venu en paix pour faire la guerre aux bâtards. B2OBA, je freine tard, évitant les endroits tard. Freine, malsaine et ma vie. Parce que je veux pas repartir les mains vides, c'est pour les roues de ma ville. Des fils, des billets, des filles, des bolides 92. Et pour les gros hercos, des grosses bastos. J'suis venu en paix, cousin, pour faire la chasse au CLK. 230 chantes pour que les ports rampent. VAX, tu parles. Y'a plein de GX tout part, ça sent la haine, tu flippes. Atmosphère de guerre, du hall à la gare. Et vice versa, je m'étonne pas de voir nos fils faire ça. Torse bombé, un peu corse pense qu'à poser des bombes. La dinde et les autres qui sont tombés. Et ils veulent tous rapper, comme s'ils avaient quelque chose à dire. Mais laisse-moi te rappeler où c'est. Dois faire l'effort de paix. Dois faire l'effort de Pera, Sir Doom, Salibouba. Accord de Pera, frère, quand allez-vous voir? J'tue le beat sans alibi, man. Je versera la scène pendant que mon son te regarde de Vertra. Effort de Pera, Doom, Salibouba. Accord de Pera, frère, quand allez-vous voir? J'tue le beat sans alibi, indélébile. Versera la scène pendant que mon son te regarde de Vertra. Ici y'a pas de blé, mais rien que des voraces venant du bled. Et sur mon palier, ça sent que le maf fait le couscous sous le tchèb. En tout cas, pas le porc ou bien le cassoulet. Comme chez les gens chez qui je vais cagouler, putain, avant que les poulets se mettent à débouler. C'est grave, comme ils veulent me laisser coincé cadre. Ils kiffent, quand à 6h ils me captent au pion en son calou en slip. Ça part de mon shit, son cadre, pour mettre les menottes dans le dos. Pendant que mon père fait l'eau, car j'entends l'eau du lavabo. Je leur veux la guerre, donc laisse-moi en paix. Frère, s'il faut, je rentre dans les hautes herbes, comme un cerf qui observe. Vous tremblez, car on a besoin de blé. Au vent du shit au blanc, imitant les noirs en jouant du djembé dans les squares. Cinglés sont mes scars là le soir, quand la ria se pointe. En plus, chez nous, les joints, ça se blinde à la dinde. J'ai pas de lampe d'aladin dans ma broche le matin, j'ai que ma bulle sous la main. Que je frotte pensant au tapin. Derrière un sapin, je suis un de ces sales types, fuyant les flics, comprends pas en top ou en taxi. Même quand j'ai du fric, y'a d'être milic. Mais je fais l'effort de paix, nique, laissons sans respect, mes faces des coups d'épée. Quand je me trouve sous d'espé, je dois faire l'effort de Pera, Sir Doom, Salibouba. Accord de Pera, frère, quand allez-vous voir? J'tue le beat sans alibi, man. Je versera la scène pendant que mon son te regarde de Vertra. Effort de Pera, Doom, Salibouba. Accord de Pera, frère, quand allez-vous voir? J'tue le beat sans alibi, indélébile. Versera la scène pendant que mon son te regarde de verre. La vie est ainsi, pour que la paix s'apprécie. Faut passer par les combats, la sueur et la pression. Des moulineaux ici, PDSIT. Ici c'est soit tu fais ou soit tu t'es. ALI, hardcore session. Et les bidons se posent des questions, explosion. Partout dans le globe. Pendant qu'à Paris ça se tape pour des tasses à la sortie de club. Des guerres fratricides on a hérité. Ceux qui divisent restent irrités par l'utopie de nos textes. Éthiopie, Érythrée, la paix sacrée. En son nom je lutte, fournis les efforts pour que le repos se mérite. Quitter l'Europe, retourner en Afrique avant que nos esprits quittent nos corps ou deviennent poussière. Entretiens l'endurance et le cran pour l'insurrection. Préserve la paix pour la résurrection. Lunatique. Dois faire l'effort de Pera, Sir Doom, Salibouba. Accord de Pera, frère, quand allez-vous voir? J'tue le beat sans alibi, man. J'versera la scène pendant que mon son te regarde de Vertra. Effort de Pera, Doom, Salibouba. Accord de Pera, frère, quand allez-vous voir? J'tue le beat sans alibi, indélébile. Versera la scène pendant que mon son te regarde de Vertra. Effort de Pera, Doom, Salibouba. Accord de Pera, frère, quand allez-vous voir? J'tue le beat sans alibi, indélébile. Versera la scène pendant que mon son te regarde de Vertra.